En plus, hier, j'étais malade. Ça, c'était pas... Ça t'a pas aidé. Ça t'a pas aidé. Fois, faire des selles plus dures, non? Non, ça, non, c'était liquide. Quand c'est très mauvais, ce qu'on c'était lit, pire. Ça fait des selles dures. Oh non, c'était pire. Ça fait des selles plus mauvaises. Ah oui, c'est un coulis.